Charlotte, quelle bonne surprise! Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Très bien. Et comment vont tes enfants? Ils doivent être grands maintenant. Ils sont en pleine forme. Christophe a 18 ans, il va passer son bac. Et Clotilde a 16 ans. Et toi, toujours célibataire? Pas pour longtemps, je vais me marier dans un mois. Félicitations! Après le mariage, nous allons partir en Australie. Je vais justement réserver mes billets d'avion. Tu vas dans quelle direction? Par là. Moi aussi. On peut continuer notre conversation. Parle-moi de ton futur mari.